Dossier 7. Leçon 2. Activité 7. Nadia Djoumbé, dites-nous, ça vous fait quoi de savoir que vous êtes sélectionnée pour jouer en finale de la Coupe d'Europe ? On est fiers, très fiers. Nous aussi, on est fiers de vous. Comment avez-vous vécu ce match ? C'est vrai que ce match avait mal commencé pour nous. Avec ce but anglais marqué à la 5e minute du jeu. Et ça vous avait un peu démoralisé dès le départ ? Ouais. À la mi-temps, dans les vestiaires, on était un peu découragés. On pensait pas y arriver. Mais notre entraîneur a su trouver les mots pour nous encourager. Il nous a dit et redit qu'il fallait tenir bon. Qu'on devait aller chercher les forces nécessaires au fond de nous. Et ça a marché ! La preuve ! On a marqué 2 superbes buts dans la 2e mi-temps. Et le dernier à 1 minute seulement de la fin du match. C'était géant, énorme.